Alibi Montana, Al Capote, Seb Gecko, Oda. Appelle-moi AKAAL. Te remplace dans ton lit, rends service à ta femme, elle m'appelle quand t'es parti. J'aime le danger comme le cancer dans tes poumons. Marginal, nous niquons l'état dès que nous le pouvons. Ouais. Tu le vois la musique que l'on fait est Kaira, Kaira. Du fin fond de la province, de la banlieue jusqu'à Riba. Ouais. C'est bouteille cassée, coup de tête, lèvres explosées. Personne n'est en surhomme, donc tout le monde est exposé. Attends. Pas de panique, on n'a pas fini, nous c'est la crédibilité. On fait peur aux grosses pédales qui vont dans la débilité. Parce que c'est tough, c'est froid, c'est la fonce des abois. Toute la délinquance de France bouge sur le son de ma voix. Ouais. Mec, mets-toi à l'heure, mets-toi Al, on s'installe, on est parti. C'est la partie des dingues, c'est spécial. Hey, insulte à la bouche, pédo à la bouche, bouteille à la bouche. Aucune sympathie pour Sarkozy, aucune pour George Bush. C'est pour mes cas et tous mes points, vieux ça. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. C'est pour mes cas et tous mes points, vieux ça. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. Nouvelle cuvée Dream, c'est le dernier millésime. C'est inédit, plein de gens pensent que notre CD il est chim. J'ai la beauté de Ribéry, le coup de tête de Zinedine. Ma fine équipe nique les flics, ils auront ce qu'ils méritent. Les cinéphiles vont faire des crises d'épilepsie. Y'a pas de lézard fils, faut pas qu'elle armise. Ouais, je mate les artistes. Je reste actif, sans coquet, sans ecstasy. Lèche-moi, ou bien tu sauteras comme à Tel Aviv. J'ai du mal à joindre les deux bouts, à tenir debout. Faut que je ramène le flouze comme Jamel Debbouze. Même avec une main en moins comme DJ Paul. On te nique l'épaule, liquide tes hommes, faut que tu cries vive les sommes. Blaireau c'est ça, écrit mon blaze en gros lettrage. Si tu me connais pas, ça sert à rien de trop les pars. Les gommes t'es mal, les faux dégages. C'est John H, phénoménal, le pro des phases intestales tel Gogeta. C'est pour mes cas et tous mes points, vieux arts. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. C'est pour mes cas et tous mes points, vieux arts. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. Cousin, range tes armes, même si l'ambiance est banlieue d'art. Tu es venu en paix, mais direct, les l'épée démonte dans les arts. Anti-star, viens cracher ma haine dans cette barre. Me dis pas que j'ai changé de style, moi j'ai le mic ancestral. Dans nos adultes, je veux que mon rap soit bénéfique. Vu que dans le game, autant de pédophiles qu'à Portofine. Oh, je te le rappelle, je suis venu en paix, mais ce milieu en paix, celui qui l'ouvre direct dans le bain. Y'a que des zombies, tant pis. Les mecs qui ont sorti des taudis, on t'étourdit de la gauche, t'envoie chez le sous-bib. Pour changer, sans gic, rien n'a changé. Assis, je veux te clore sur mes gencives. Crois plus au Père Noël, la ville a mis super à l'ouest. On perd nos rêves, ou prend du ferme, c'est pour mes frères du LOL. Chakra, un truc de barge comme Old Boy, des fourrailles à la haute dog, j'ai mes gold pour le hold up. C'est pour mes cailles, tous mes points, vieux arts. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. C'est pour mes cailles, tous mes points, vieux arts. Tu veux pas nous déplorer, on a des pots de lézard. On tise, on fume, on vend des trucs bizarres. C'est pour nos blocs, nos halls et nos vieux arts. Seb Gecko, Proto Alka, Gros Dash, Alibi Montana, fais pas les grands yeux, c'est la banlieue. Rex, Rex, Jake, Jake, 2007, Kouchlas, Rex, pas la Bambino,